C'est vrai que j'en ai des choses à dire, mais bon, par quoi commencer? Tellement de choses ancrées sur le cœur, je ne sais par quoi me lancer. Il est rare que je chante l'amour, je fais mieux rimer la tristesse. Il fallait que je plonge dans ses yeux pour retrouver la tendresse. Malgré les murs, que le temps dresse, que l'avenir et le temps qui me reste ne soient pas éloignés des miens, puisque Dieu sait que le temps presse. 5 minutes avec elle vaut tous les articles dans la presse. Les aiguilles tournent et dans ma tête, je prie sans cesse que le temps cesse. Quand j'en ai gratté quelques lignes, noircies des pages de douleur, seule la famille et les docteurs décèleront ce que j'ai sur le cœur. Et peu va, je compte plus les jours noirs et les nuits blanches, remémorant mes erreurs. Un goût mi-acide, mi-amer quand le passé crée des aigreurs. Ouais, j'en ai gratté, cramé, gravé, plaqué, bâclé, taclé. Je crois bien qu'il est temps de se mettre au vert, moi j'en ai assez bavé. De toute façon, y'a pas 10 000 façons de s'ouvrir et parler des heures, mais j'aurais pas assez d'un son pour balancer ce que j'ai sur le cœur. Ouais. Même si la route est longue, j'apprendrai de mes erreurs. Avancerai coûte que coûte avec tout ce que j'ai sur le cœur. Même si la route est longue, je ne compterai pas les heures. Je ne compterai pas les heures. Même si la route est longue, j'appréhenderai mes peurs. Avancerai coûte que coûte avec tout ce que j'ai sur le cœur. Même si la route est longue, je ne verrai plus les heures. Je viens de mettre un terme à mes souffrances et j'accepte la gaieté. J'enlève mes yeux du rétroviseur là où je faisais que la gaieté. Être à la hauteur de croire que la musique rassemble. J'ai baissé les yeux, trouvé le bonheur d'un 1m60. Ne suffit pas d'un mousqueton, poteau pour escalader la montagne. Je viens faire un petit rappel, ouais, jusque là c'est lamentable. Je me suis souvent gratté la tête, me rappeler la 7. Première fois où je rappais la tête, que je raterai pas le 7. T'as les paroles d'un sage qui t'a enseigné. Le savoir est une âme, poteau, ouais, qui t'a enseigné. Ma vie un livre abîmé, il manque des choses et je comprends pas. J'ai beau tourner la page, auteur, ouais, t'es payé pour ce qu'on t'emploie. Je vis mes lignes, t'en es témoin quand je rappe, mon corps dialogue. Savoir ce que j'ai sur le cœur, bah demande à mon cardiologue. Et comme une peur de l'abandon, trop de femmes ont tourné leur veste. J'ai donné ma vie à ma plume parce qu'on dit que les écrits restent. Même si la route est longue, j'apprendrai de mes erreurs. Avancerai coûte que coûte avec tout ce que j'ai sur le cœur. Même si la route est longue, je ne compterai pas les heures. Je ne compterai pas les heures. Même si la route est longue, j'appréhenderai mes pleurs. Avancerai coûte que coûte avec tout ce que j'ai sur le cœur. Même si la route est longue, je ne verrai plus les heures. Parler des tracas de la vie qui peuvent te paraître si banal. Mettre en lumière de faux amis, mon gage m'arrête si banane. Ouais, j'ai le cœur empathique, j'ai le cœur l'Antarctique. J'ai peur de le pratiquer, une rose en plastique. La vie est un voyage, alors profitons de la balade. Je veux péter à la clé du trousseau de mon bonheur quand t'es pas là. L'impression de pas tout comprendre, y'a des choses anormales. La fréquence d'un cœur rythmique avec des anomalies. J'ai longtemps cru que mon bien-être était posé sur une table basse. Je voulais faire mes problèmes, aujourd'hui j'en fais table rase. T'as fait mon écriture pour qu'elle puisse avoir un gros charme, vibrer des cœurs comme SLM avec un flow charnel. Le piano tourne dans ma tête et c'est pas rose. Ma gueule, ouais, c'est le tarot d'un bail quand c'est pas haut. Bloqué dans mes pulsions, la joie, l'amour et le bonheur. Un signe de croix, la trinité, la joie, la tour et le donneur. Bang! Même si la route est longue, j'apprendrai de mes erreurs. Avancerai coûte que coûte avec tout ce que j'ai sur le cœur. Même si la route est longue, je ne compterai pas les heures. Je ne compterai pas les heures. Même si la route est longue, j'appréhenderai mes peurs. Avancerai coûte que coûte avec tout ce que j'ai sur le cœur. Même si la route est longue, je ne verrai plus les heures. Tout ce que j'ai sur le cœur. Même si la route est longue, j'apprendrai mes erreurs. Avancerai coûte que coûte avec tout ce que j'ai sur le cœur. Même si la route est longue, je ne compterai pas les heures. Je ne compterai pas les heures. Même si la route est longue, j'appréhenderai mes peurs. Avancerai coûte que coûte avec tout ce que j'ai sur le cœur. Même si la route est longue, je ne verrai plus les heures.